Deuxième livre de Samuel, chapitre 21. Or il y eut du temps de David, une famine qui dura 3 ans de suite. Et David rechercha la face de l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Alors le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Or les Gabaonites n'étaient point des enfants d'Israël, mais un reste des Amoréens, et les enfants d'Israël leur avaient juré de les laisser vivre, mais Saül par un zèle qu'il avait pour les enfants d'Israël et de Juda, avait cherché de les faire mourir. Et David dit aux Gabaonites, « Que vous ferai-je, et par quel moyen vous apaiserai-je, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Et les Gabaonites lui répondirent, « Nous n'avons affaire ni de l'or ni de l'argent de Saül et de sa maison, ni qu'on fasse mourir personne en Israël. » Et le roi leur dit, « Que demandez-vous donc que je fasse pour vous ?» Et ils répondirent au roi, « Quant à cet homme qui nous a détruits, et qui a machiné contre nous, en sorte que nous ayons été exterminés, sans pouvoir subsister dans aucune des contrées d'Israël, qu'on nous livre cet homme de ses fils, et nous les mettrons en croix devant l'Éternel, au coteau de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi leur dit, « Je vous les livrerai. » Or le roi épargna Mephibosheth fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment que David et Jonathan fils de Saül, avaient fait entre eux au nom de l'Éternel. Mais le roi prit les deux fils de Rizpa fille d'Aja, qu'elle avait enfanté à Saül, savoir Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils de Michal fille de Saül, qu'elle avait nourri à Adriel fils de Barzillaïm et Eulatite. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les mirent en croix sur la montagne devant l'Éternel, et ces 7 là furent tués ensemble, et on les fit mourir au premier jour de la moisson, savoir au commencement de la moisson des orges. Alors Rizpa fille d'Aja prit un sac, et le tendit pour elle au-dessus d'un rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce qu'il tombât de l'eau du ciel sur eux, et elle ne souffrait point qu'aucun oiseau des cieux se posât sur eux de jour, ni aucune bête des champs la nuit. Et on rapporta à David ce que Rizpa, fille d'Aja, concubine de Saül, avait fait. Et David s'en alla, et prit les os de Saül, et les os de Jonathan son fils, que les habitants de Jabès de Galaa, avaient enlevés de la place de Beth-San, où les Philistins les avaient pendus, le jour qu'ils avaient tué Saül en Gilboa. Il emporta donc de là les os de Saül, et les os de Jonathan son fils. On recueillit aussi les os de ceux qui avaient été mis en croix, et on les ensevelit avec les os de Saül et de Jonathan, son fils au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de qui père de Saül, et on fit tout ce que le roi avait commandé. Et après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Or il y avait eu aussi une autre guerre des Philistins contre les Israélites, et David y était allé, et ses serviteurs avec lui, et ils avaient tellement combattu contre les Philistins, que David défaillait. Et Jisbi Benob, qui était des enfants de Rapha, et qui avait une lance dans le fer, pesait 300 cycles d'airain, et qui était armé d'une nouvelle manière, avait résolu de frapper David. Mais Abisaï fils de Tseruja vint à son secours, et frappa le Philistin, et le tua. Alors les gens de David jurèrent, en disant, « Tu ne sortiras plus avec nous en bataille, de peur que tu n'éteignes la lampe d'Israël. » Après cela il y eut une autre guerre à Gob contre les Philistins, où Sibéka l'Uzathite frappa Saph, qui était des enfants de Rapha. Il y eut encore une autre guerre à Gob contre les Philistins, en laquelle Elhanan, fils de Jar et Orgim Bethléemite, frappa le frère de Goliath Guitien, qui avait une hallebarde dont la hampe était comme l'ensuble d'un tisserand. Il y eut encore une autre guerre à Gath, où il se trouva un homme d'une taille extraordinaire, qui avait 6 doigts à chaque main, et 6 orteils à chaque pied, en tout 24, lequel était aussi de la race de Rapha. Cet homme défia Israël, mais Jonathan fils de Sima, frère de David, le tua. Ces 4 là naquirent à Gath, de la race de Rapha, et moururent par les mains de David, ou par les mains de ses serviteurs.